archéologues du rock, les super bandes. Entendre agréablement ma voisine d'en haut passer son aspirateur. Bonjour Hélène! Salut Caroline! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Donc Hélène, aujourd'hui on parle de super band. Aurais-tu, s'il te plaît, une définition un peu plus précise à nous en faire? Un super band ou un super groupe aussi, c'est un groupe dont tous les musiciens étaient préalablement connus et déjà quelque part révérés et estimés. Donc, okay. Ils se réunissent ensemble et ils font de la, supposément, de la super bonne musique. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Pour déterminer, au cours de l'émission, vous allez entendre à quelques reprises des sons qui vont déterminer à savoir si on juge que ce projet-là est une histoire à succès ou un échec. Alors, commençons tout de suite avec ce qu'on pourrait déterminer comme étant le premier super groupe de l'histoire. Il s'agit de Cream. Cream est un groupe probablement que vous connaissez parce que c'est un groupe très, très connu et très... c'est un groupe culte carrément, donc... Mais déjà à l'époque, il était culte parce qu'il était composé du bassiste et chanteur Jack Bruce, du batteur déjà très connu dans la scène jazz londonienne Ginger Baker et d'un petit guitariste qui s'appelle Eric Clapton, qui était déjà connu à cause de son implication dans les Yardbirds et aussi dans John Mayall's Blues Breakers, un autre groupe culte de l'époque. Donc, on a vraiment un power trio avec trois musiciens très connus, trois vraiment virtuoses, et on a le premier super groupe. Ils font de la bonne musique. Donc, à ton avis, si je comprends bien, on parle d'une histoire à succès. Oui! Très peu de temps après, on a vu l'apparition d'un groupe qui s'appelait Crosby, Stills, Nash and Young, qui est venu après. Donc, David Crosby, déjà très connu pour sa consommation de drogue et son implication dans les Birds, ne pas confondre avec les Yardbirds quand même. Stephen Stills, qui faisait partie de Buffalo Springfield et qui a été d'ailleurs pour les potins le mari de Véronique Sanson, une grande musicienne française. Et qui n'a pas été très gentille avec elle, je pense. À ce qui paraît, mais ça on n'était pas là. On n'était pas là. Mais... Graham Nash, qui faisait partie des Hollies, donc un groupe britannique qui était un peu, un peu des concurrents des Beatles et des Rolling Stones à l'époque, mais qui dans la grande marche de l'histoire, ont été oubliés, hélas, parce que c'est un très bon groupe. Et il y a eu Neil Young qui est arrivé après quelques années au sein de Crosby, Stills and Nash. Et Neil Young qui, avouons-le, a plus de talent que Crosby, Stills and Nash réunis. Donc notre verdict, Crosby, Stills and Nash. Crosby, Stills, Nash and Young. Et encore quelques années plus tard, on a un groupe qui s'appelle Emerson, Lake and Palmer, qui est dans son nom même, comme d'ailleurs Crosby, Stills, Nash and Young, da-da-da, et tout ça, est un super groupe dans son nom même. Donc on a... C'est quoi son prénom? Sacha Palmer. On va commencer par Keith Emerson, quand même. Oui. Keith Emerson, qui faisait partie de The Nice, avant de faire partie de Emerson, Lake and Palmer. Greg Lake, qui faisait partie de King Crimson. Et Carl Palmer, qui faisait partie d'un groupe au nom débile qui s'appelle The Crazy World of Arthur Brown. Point d'interrogation. Et ensuite de ça, d'un groupe avec vraiment un nom qui casse qui s'appelle Atomic Rooster. Moi, j'aimerais tellement savoir ce nom de band-là. Poulailler atomique. Ouais. Donc, Emerson, Lake and Palmer, je sais que le Québec est une terre de prog, on aime ça le prog, ça pas d'allure, mais moi j'aime pas ça le prog. Et moi j'adore que... King Crimson, ceci dit, on ne s'entend pas du tout là-dessus. Hélène s'apprête à avoir un deuxième doigt ensanglanté, je ne sais pas encore, mais bon. Oui, parce que je suis blessée, je ne vous ai pas dit ça. Bon, Emerson, Lake and Palmer, je pense que leur but dans la vie, c'est juste montrer à quel point c'est des virtuoses. Fait qu'ils font juste comme jouer de la musique. Vite. Vite, pendant 5 heures, sans aucune émotion, sans aucune âme. Voilà, c'était mon opinion d'Emerson, Lake and Palmer. Vers la fin des années 80, on a les Traveling Wilburys, qui est peut-être un super groupe parmi les super groupes. Mm-hmm. George Harrison, qui faisait partie des Beatles. Jeff Lynne, qui faisait partie de Electric Light Orchestra. Roy Orbison, je pense connu par lui-même. Mm-hmm. Tom Petty, des Tom Petty and the Heartbreakers. Et un certain Bob Dylan, qui se mettent tous ensemble pour faire un groupe vraiment comme de bonne humeur et de joie de vivre. Oui. Ah, c'était les années 80. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun avec les Traveling Wilburys, c'est qu'ils ont tous leurs noms Wilbury. Donc, c'est comme une famille. Donc, George Harrison, c'était Nelson Wilbury. Jeff Lynne, c'était Otis Wilbury. Roy Orbison, Lefty Wilbury. Tom Petty, Charlie T. Wilbury Jr. Et Bob Dylan, Lucky Wilbury. Ils ont fait un volume 1 et un volume 3. Mm-hmm. Ils n'ont pas le volume 2. George Harrison s'est dit, on va les faire marcher un petit peu. Et entre le volume 1 et le volume 3, Roy Orbison est décédé, mm-hmm. hélas. Et on va écouter un extrait de Traveling Wilburys, une chanson qui me rend de bonne humeur à coup sûr. Handle Me With Care. Et ce sera à vous de déterminer si cette chanson-là est rattachée à une histoire à succès ou à un échec. Vous êtes mieux que ce soit fait un succès. Up and battered around, been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. De quelques années plus tard, on a Velvet Revolver au début des années 2000, composé slash Duff McKagan et Matt Sorum, tous de Guns N' Roses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Hélène? Trois membres du groupe Guns N' Roses qui sacrent leur camp pour partir un autre projet. Je pense qu'ils voulaient vraiment faire un pied de nez à un certain Axl Rose. Ils sont pas les seuls non plus à avoir fait un pied de nez à Axl Rose. Non, mais je pense que toute l'industrie de la musique a fait un pied de nez à Axl Rose. Mais Monsieur Guns en particulier. Oui, aussi. Oui, mais on n'a pas fini avec Velvet Revolver. T'as raison! Il y avait aussi Dave Kushner, le bassiste qui faisait partie... Bassiste? Mais non, un guitariste aussi, désolé. Qui faisait partie de Wasted Youth. Et Scott Weiland, qui faisait partie avant de Stone Temple Pilots, le chanteur. Et qui était un peu un on-off aussi dans Velvet Revolver. Parce qu'il y a des problèmes de drogue, M. Mm-hmm. Weiland, c'est vraiment pas drôle. Oui, parlant de Guns N' Roses, en fait, il y a vraiment comme une affaire vraiment le fun avec Guns N' Roses, c'est que la première mouture de ce groupe-là, c'était avec Axl Rose, le chanteur, vous le connaissez, et aussi un guitariste qui s'appelle encore Tracy Guns, donc Guns N' Roses, mm-hmm. c'est de là de... Le nom du groupe, carrément. Mais Tracy Guns, il a vraiment une très mauvaise réputation. C'est quelqu'un, à ce qui paraît, très difficile à travailler avec. Imaginez Axl Rose aussi. Fait qu'imaginez ça, les deux ensemble. Donc, je pense qu'il y en a un des deux qui a juste sacré son camp et qui a pris le nom avec. C'est ça, c'était... Mais ce qui est drôle, c'est que je pense qu'au départ, ça, c'était voué à être un super band. C'est ça. Puisque les deux étaient déjà quand même assez connus dans le milieu comme une espèce de... glam metal punk des années 80 mm-hmm. à Sunset Strip à Los Angeles. C'est comme un mini super groupe. Voilà. Et puis bon, par la force des choses, connaissant la carrière de Guns, on sait que ça a quand même très bien fonctionné, là, mais... ouais, bref, moi je trouve ça très drôle que la gang de Velvet Revolver soit juste des gens qui ont tourné le dos à Monsieur Rose. Oui, des années plus tard. Et dont leur album est sorti, le premier album est sorti avant Chinese Democracy. OK. Qui était comme le follow-up tant attendu de Use Your Illusions 1 and 2. Parce que bon, Spaghetti Incident, là, on va pas en parler, là. Sinon, dans la même veine, on a Audioslave. Oui, Audioslave, composé de membres de Rage Against the Machine et de Soundgarden. Mm-hmm. La musique, on dirait qu'elle est faite vraiment en chum, mais imaginez si vous êtes un patron de compagnie de disques et vous voyez sur papier cette réunion-là. Cette réunion, je pense qu'elle a été aussi très soutenue par l'industrie de la musique, par les compagnies de disques, avec raison, parce que c'est quand même... C'est du pop rock, on s'entend, mais à mon avis, c'est quelque chose de très bien fait. En ce qui me concerne, je classerais ça dans les histoires à... Succès! Et faisons exploser un peu la définition d'un super groupe, parce qu'il y a plusieurs manières de percevoir un super groupe, et il y a des groupes qui sont devenus super au cours de leur carrière. Je pense que le cas classique, c'est les Beatles, hein, parce que vraiment, ils ont commencé comme un petit boys band là, de Liverpool, puis ils sont devenus comme... les réinventeurs de la roue, là, on dirait. Exact. On n'en dira pas plus, par exemple, on en parle assez souvent. Ouais. Moi, je dirais que si on regarde du côté du Québec, Carquois peut correspondre à cette catégorie-là. Oui, ils commencent à faire des albums solo, les gars. Je pense ben là, maintenant que Louis-Jean Cormier est à la voix, oui, ça devrait on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas Louis-Jean Cormier, mais bon. Mm-hmm. Parmi un certain groupe, je pense que plusieurs personnes connaissent Louis-Jean Cormier et les autres membres de Carquois. Oui, qui ont pratiquement tous, en fait, des collaborations à l'extérieur de ce projet-là. Je pense que le batteur travaille avec Hôtel Morphée. OK. Sinon, on a François Lafontaine qui, lui... mais en fait, on en reviendra. On va parler un petit peu plus en détail de ce qui se passe au Québec un peu plus tard. Alors, oui. Mais permettons-nous, par contre... d'introduire Beau Dommage dans la catégorie des supergroupes qui le sont devenus en cours de route. Bien sûr, Michel Rivard, Marie-Michel Desrosiers, Pierre Bertrand, tous des carrières solo assez intéressantes. Il y a aussi Robert Léger, qu'on voit très souvent, un historien de la musique québécoise. Donc, quatre membres sur... quoi qu'il était vraiment, on dirait... Des fois, sur les pochettes de Beau Dommage, on dirait qu'ils sont huit, là. Oui, c'est vrai, ça. On dirait qu'ils sont vraiment nombreux. Mais il y en a au moins quatre d'entre eux qu'on connaît et qu'on reconnaît pour leur carrière solo. Mm-hmm. Autrement, dis-moi, est-ce que spontanément, si je te dis catégorie groupe qui aurait dû être un super groupe, Est-ce que tu penses à des gens en particulier? On a parlé du cas, la première mouture de Guns N' Roses. Si on continue sur la lignée de Tracy Guns, cet homme qui aurait dû être... Une star. Une star, mais qui est comme une star underground parce qu'il n'est pas vivant, à ce qu'il paraît. Il y a un groupe qui s'appelle Brides of Destruction au début des années 2000, composé notamment de Tracy Guns et de Nikki Sixx, qui fait partie de Motley Crue. Bon, ok, c'est proche de moi, je sais. Mais Brides of Destruction qui je pense aussi qu'il y avait un ancien Guns N' Roses là-dedans. C'était vraiment comme. Ça aussi, c'est un super groupe, mais ça n'a jamais vraiment levé, à part d'un certain comme milieu, justement, plus métal. Parce que, justement, à ce qui paraît, Tracy Guns était vraiment juste comme trop... Une merde. Petite merde. Asshole. Ouais, donc, c'était vraiment tout ça à travailler avec. Donc, ça n'a jamais vraiment levé. Puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes, faisons-nous plaisir et assouvissons notre côté pop rock un petit peu cheesy. On s'en va en écoute musicale avec Like a Stone de Audioslave. C'est pas pop rock cheesy. I confess I was lost in love. c'est pas cheesy, j'assume, c'est de la bonne musique. Alors, allons voir du côté du Québec ce qui se passe dans les super groupes. Je commencerai... La musique, le Québec est une espèce de petit marché dans lequel tous les musiciens se connaissent, fait que ça devient assez facile de faire des collaborations et de monter des super groupes parce que... Mm-hmm. Ben, ça se voit en fait assez souvent dans l'événementiel. Oui. C'est sûr que, bon, si on pense spontanément au show de Saint-Jean, c'est un petit peu ça qui se passe. Oui. C'est des gros noms qui se rassemblent pour fêter la fête nationale. Et qui peuvent mixer leur univers musical à leur guise, finalement. Oui, sinon, je pense aussi qu'on a vu, il n'y a pas si longtemps, au Francophonie, une réunion de... Il y avait Éric Lapointe, Daniel Boucher et... Kevin Parent. Kevin Parent, oui, qui ont fait un spectacle ensemble de façon ponctuelle. Sinon, les projets qui étaient un petit peu moins éphémères, il y a eu l'Hostie Show. L'Hostie Show qui était un spectacle, puis une suite de spectacles. Il y a eu l'Hostie Show 2, l'Hostie Show meurt, si je me souviens bien. Donc, Mouf, Louis Forestier, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, qui ont créé quelque chose un peu... C'était mis en scène par Paul Bussonneau, ça aussi, je pense. Hein? C'est fort, oui, je pense, oui. Puis, mais quel est cet Hostie Show, là? Le nom... Vient de lui, oui. Oui, c'est ça. Yvon Deschamps qui a un peu comme inventé le monologue avec ces monologues très connus avec les unions que ça donne qui étaient dans le Hostie Show, donc un moment culturel extrêmement important pour le Québec, oui. Même si à l'époque il était resté assez anonyme, là. C'était vraiment pas les gros... quand on fait une recherche historique dans les journaux à l'époque, c'était vraiment juste un petit entrefilet comme « Ah, il y a ça qui se passe ce soir », c'était pas comme le gros événement, c'est devenu important avec le rebours, avec la perspective qu'on a et... Robert Charlebois et Yvon Deschamps, Louis Forestier et Mouf étant devenus les monstres sacrés qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, on peut parler d'une histoire à succès? Oh oui, mon Dieu, oui. Dans la même époque, on a vu aussi J'ai vu le loup, le renard et le lion qui réunissait... Robert Charlebois, encore une fois. Félix Leclerc et Gilles Vigneault. C'est Vigneault, OK. Oui. Il y a aussi Une fois cinq avec Gilles... Ah, là, il y a le 5, attendez. Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Claude Léveillé. Mon Dieu, qui est-ce? Et il y en a deux autres. Félix Leclerc n'était pas là, donc on peut... Bref, des gros collectifs comme ça aussi, plus proches d'aujourd'hui, on a vu passer 12 hommes rapaillés, qui est un projet initié, je pense, par Louis-Jean Cormier, qui... en fait, dans lequel on a vu des gens, Jim Corcoran, Michel Rivard, Louis-Jean Cormier, Richard Séguin, Daniel Lavoie, Martin Léon, Yann Perrault, Yves Lambert, Michel Faubert, Pierre Flynn, Vincent Vallière, Gilles Bélanger. Il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup. Et voilà. J'ai retrouvé l'information pour une fois cinq, bon Dieu, on est comme sur Internet, là, c'est super branché. Donc, Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Yvon Deschamps et Jean-Pierre Ferland. Voilà. Ah, c'est ça, j'ai pas osé nommer Deschamps, mais j'avais cette impression-là. Ça pour dire que 12 hommes rapaillés, super beau projet pour mettre en musique des poèmes de Gaston Miron, très très très intéressant, ça a été bien reçu aussi. Très bien reçu, oui. Très acclamé, en fait, donc ça c'est intéressant. Sinon, j'ai envie de vous parler de la formation Les Vikings, mais je vous reviens parce que mon café est prêt. Alors voilà, nous sommes de retour, un café à la main, pour que je poursuive ma... description du groupe Les Vikings, qui est un collectif instigé par Richard Petit, et dans lequel, outre Marc Derry, qui, à mon avis, des fois, oui, talent, qui et aussi Marc Derry. Hein. Oui. Non, je suis sur leur site web, on est full branché. Donc, Marjo fait partie de ce projet-là, et sinon, ben, ça a l'air d'un ramassis d'anciens académiciens, à mon avis. Et, oui, confirmation. C'est du cover, il y a pas de, ils font pas de composition originale. Et je ne me gênerai pas pour classer ce projet-là dans la catégorie des flops. Autre collectif qui, cette fois-ci, fonctionne assez bien au Québec, on parle des Pornflakes. Qui sont une gang de musiciens et ils invitent des personnes pour chanter sur des chansons. Des fois, ils ne sont pas des chanteurs, hein, parce que Guillaume Lepage a déjà souvent affronté les Pornflakes. En fait, ça a commencé au Club Soda, ça, dans une formule jam. Oui, c'était un jam night au Club Soda Puis, mais c'était très, très professionnel la façon dont c'était fait. Les musiciens étaient solides, puis ça marchait. De sorte que ils ont décidé d'en faire un projet un peu plus sérieux. Et puis, j'ai pas les noms sous les yeux, mais c'est vraiment constitué de musiciens qui ont été accompagnateurs d'artistes très connus au Québec, entre autres. Je pense que tu as le guitariste de Richard Séguin là-dedans. Puis bon, c'est des gars de métier. Connu, là. Oui. C'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, les Porn Flakes font eux aussi du cover. Oui. Ils font de l'événementiel. C'est des gens qu'on peut aller chercher pour se marier puis avoir un band pour l'occasion. Mais ben, c'est ça, ils vont faire du festival aussi, ainsi de suite. Mais ils sont très, très bien perçus dans le milieu. Ils faisaient partie de Too Many Cooks, en fait. Un peu la gang, l'espèce de vilain pingouin anglophone des années 90. C'était pas mauvais, Too Many Cooks, à mon avis. Sur ce, j'attire votre attention sur deux bands différents, quoique très semblables en termes de son et en termes de musiciens. Je parle ici de Gros Méné et de Galaxy, anciennement Galaxy 500, qui sont des projets dans lesquels travaillent Fred Fortin et Olivier Langevin. Olivier Langevin et Fred Fortin, à mon avis, sont deux petits génies. Et quand ces deux-là collaborent, je pense que ça vaut la peine de tendre l'oreille. Donc, je vous invite à le faire à l'instant avec la pièce « Camouflard » de Galaxy. Ah, oh, ça fait du bien! Comme le dirait si bien Hélène, on dirait Led Zeppelin qui rencontre Nine Inch Nails. Oui. Dans une certaine mesure. On se dirige maintenant. Oui, continuons en fait avec une définition vraiment éclatée de super groupe. Et parlons un peu des retours. Oui. Parce que c'est des bands qui ont déjà été extrêmement connus, extrêmement populaires, qui ont décidé de, parce qu'ils ne s'entendaient plus pour plein de raisons, de plus fonctionner ensemble, de se séparer, ou de faire une pause prolongée et qui décident de revenir. Sous parce la forme qu'ils voient la pension s'en venir à grands pas et qu'ils ont besoin peut-être de redorer leur portefeuille, sait-on jamais, en surfant sur des vieux succès. Ou pas juste des pensions à venir, mais des pensions aussi de divorce. Et de plusieurs enfants. Qui doivent être respectés. Donc. Et ça, je pense, on est vraiment dans une ère de retour. Oui. Il y en a vraiment oui. beaucoup, là. Puis ça commence à me taper sur les nerfs oui. pas mal. Parce que si vous vous séparez, d'abord et avant tout, c'est parce qu'il y a des raisons derrière ça. S'il vous plaît, rocker qui nous écoutez, il n'y en a aucun. Tentez de vous en souvenir de ces raisons-là. Oui. On va épargner beaucoup de temps à tout le monde. de temps, je te propose une formule rapide. Je vais te lancer quelques noms de groupes qui ont fait des retours et dis-moi spontanément succès ou échec. Ok, ben, okay. Ça va être difficile de dire succès. Okay. Alors, par exemple, si je te dis Dennis DeYoung qui n'arrête pas de se promener avec les vieux succès de Styx. Ah, j'haïs Styx, j'haïs Dennis DeYoung, mais ça peut pas être un succès, désolé. Roger Hodgson qui fait pareil avec les tunes de Supertramp. Oui, et qui a déjà été featuré dans le groupe Ringo Starr All Stars. Hey, c'est vrai, que j'ai réintitulé dans ma tête Ringo Starr and His Has-Been. Donc, oui. non, ça peut pas être un succès, non. Ok, ensuite de ça, Francis Black. Les Pixies, bon, ça, c'est, je sais que je fais de la peine probablement à certains de nos auditeurs. Mais les Pixies qui se sont séparés et qui ont décidé de revenir il y a quelques années faire des choses qui paraissent plus ou moins réussies comme retour, c'est bien plate, là, ami à moi qui adorait les Pixies. J'aime beaucoup les Pixies moi-même, mais là, c'est ça, c'est un cas de si vous êtes séparés en premier, là, arrêtez. Là. Puis là, Kim Deal qui vient de repartir du groupe, tu sais, come on. Arrêtez ça, là. Vous faites les drama queens, là. New Order, tiens. New Order qui ont comme fait des pauses prolongées. J'adorais leur projet à l'extérieur de New Order, Electronic avec Johnny Marr, le guitariste des Smiths. C'était vraiment bon. Puis là, ils ont décidé de revenir ensemble. Ils ont fait des festivals Oshiaga, je pense. Ça, des festivals indies là, des Europe et des Amériques. Puis, je sais pas, là, je trouve ça c'est comme old people play music. Moi, je trouve ça mal à l'aisant. Les Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, un groupe que j'adore, qui vraiment un de mes groupes préférés. Moi aussi, je dois l'admettre. Billy Corgan, qui est un génie torturé, puis qui bosse tout le monde, puis qui dit « Ah, je revenais avec les Smashing Pumpkins ». Je pense qu'il n'a jamais été... Il n'a jamais réglé le fait que Adore a été un flop commercial, mais vraiment un flop, en tout cas, un succès artistique, à mon sens, vraiment inégalé. Je trouve ça la meilleure album. Mais bon, puis il se met tout le temps comme « Ah, je vais refaire 1979 », mais non, tu ne le referas pas, c'est correct, il n'y a pas de problème. On peut l'écouter encore, tu sais, puis trouver oui, ça non, encore c'est super bon mais c'est arrêtez suffisant. De revenir, c'est ça. Pulp. Ben, Pulp, bon, là, on peut pas dire là, que je vais pas comme moi-même... Je te mets dans une position désagréable. Pulp, c'est mon groupe préféré, là, avec Jarvis Cocker, je réécoute cette musique-là, mon Dieu, là, avec... C'est mon groupe préféré, là, que dire de plus? Et qui ont décidé de prendre une pause prolongée, puis qui reviennent depuis une couple d'années à faire justement les festivals d'été. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle j'irai à Cheyaga aller voir Pulp, mais probablement que j'irai pas pareil, parce que arrêtez de faire des retours! Un petit dernier, on n'a pas parlé de ce genre de groupe-là. Les Backstreet Boys qui reviennent, on fait quoi avec ça? Qui sont revenus, qui sont repartis, qui sont revenus. qui ont traîné les New Kids on the Block. En fait, ah oui, en oui. Fait, non, pire, has-been, les New Kids on the Block. Oui, oui, qui sont revenus. Oh, encore plus violent comme retour. Oui, oui. New Kids on the Block, à l'époque, selon mes souvenirs, n'était pas un groupe vraiment préfabriqué. Complètement. Okay. C'était comme une gang, mais qui ont été prises en charge par Morris Starr, qui était un manager, auteur-compositeur vraiment... un peu, pas de génie, là, j'aime pas ça dire de génie, mais très, très inspiré, très brillant, et qui a écrit des tonnes. C'est lui qui s'occupait aussi de New Edition, si je me souviens bien, okay. Le groupe de Bobby Brown, avant qu'il devienne Bobby Brown, le mari de Whitney Houston, bon. Mm-hmm. Puis il s'est dit, si j'ai un groupe de blancs, comme... c'est super raciste, c'est fou, là. Qui fait comme New Edition, je serai millionnaire. Donc, il a trouvé les New Kids on the Block, il les a vraiment formés, et écrit des tonnes, et ça... était un énorme succès. Moi, j'étais une grande fan des New Kids quand j'avais genre 10 ans, justement. J'étais vraiment le marché ciblé. Ça a complètement fonctionné avec moi. Les New Kids se sont séparés. Il y avait comme des problèmes de drogue. Oh! Non, le mot qu'il ne faut pas dire. Ils mettaient pas les chambres d'hôtel en feu, eux autres? Ben, c'est vraiment comme Donnie Wahlberg. Là, ouais, je pense que c'est... Danny Wahlberg? Non, Danny Wood et Donnie Wahlberg, c'est ça. Et puis, bon, ils sont séparés. Ça a pris des années avant qu'ils reviennent ensemble. Parce que, puis moi, j'ai respecté dans leur décision de pas revenir ensemble, justement. Tu sais, comme, yeah, tu sais, stick to your gun. Puis là, ils reviennent ensemble. Puis t'es comme, merde. Puis là, ils reviennent ensemble avec les Backstreet Boys, qui eux autres sont juste des marionnettes. Ah, qui, en fait, les Backstreet Boys, pour faire une parenthèse de ce côté-là, c'est dans une certaine mesure un super band aussi, mais qui a été conçu, qui a été pensé dans ce but précis-là. Oui, c'est ça. Donc, chacun avec des personnages. C'est quoi? Il y avait un gars, AJ, si je me souviens bien, là, qui était tellement tatoué. Tatoué, puis qui faisait la partie rap. qu'est-ce que tu fais, les Backstreet Boys? Ça me donne envie de vous parler d'un clip de John Lajoie, qui est très agréable, qui rit un peu de ce genre de chansons-là. Je me souviens pas du titre en particulier, mais vous irez voir sur notre page des archéologues, et puis je mettrai ça en lien. C'est un beau pastiche des Backstreet Boys, justement. Donc, Hélène... Et les Backstreet Boys, donc, qui ont fait un retour avec... avec les New Kids. Et un retour. En tout cas, leur retour ne finisse plus. Est-ce qu'on peut conclure en disant que les retours, en général... C'est décevant. C'est un flop. Et voilà. Dernièrement, avant de conclure, j'attire votre attention sur un phénomène télévisé qu'on voit de plus en plus. Et c'est celui de provoquer la rencontre entre deux ou plusieurs univers musicaux, un peu à la manière de ce qu'on peut voir dans l'émission Pour un soir seulement ou encore En direct de l'univers. Glee aussi fait ça. Oui, mm-hmm. Glee fait ça. Moi, j'aime ce concept-là. Je trouve que ça donne lieu des fois à des trucs étonnants puis à des belles rencontres. D'ailleurs, dans le prochain épisode, en deux semaines, on va parler de musique et télévision. Donc, en même temps, on fait un petit... On commence à parler de ça. On introduit le sujet du prochain épisode. Et c'est d'ailleurs tout pour nous pour aujourd'hui. On va aller profiter de cette belle journée d'automne. Alors, on se voit dans deux semaines. On se voit dans deux semaines. Merci d'avoir été là et à bientôt. Au revoir.